un monde où donner son avis peut peut-être attirer la foudre. Mon avis n'engage pas la foule, donc ce que vous en dites, rien à foutre. On commence doucement, je te sors mes classiques. Ce que je m'attendais étant petit quand je disais que c'était mieux classique. Y'avait Pokémon, Digimon, Captain Tsubasa, Yu-Gi-Oh, Beyblade, Ken le survivant, Shaman King et Cobra. C'était le bon vieux temps, mais j'en ai connu d'autres. Ceux-là, je trouve que c'est des bons mangas qui ont plus ou moins la cote. Alors t'as Assassination Classroom, Fairy Tail, Nanatsu, Kuroko, IQ, Achille 21, Reborn et puis Baki. C'est pas fini, GTO, Black Clover, Gintama, Diamond No Ace, Food Wars, Kenichi, Dr. Stone, Mirai Nikki. Le reste c'est trop récent, je les encenserais pas sur la scène avant qu'ils prouvent comme Jujutsu Kaisen. J'mets ça en 1, j'mets ça en 2, j'mets ça en 3. T'es pas content, malade, j'le pense donc me dis pas arrête. C'est ce que moi j'fous dans ma mallette, les noms s'enchaînent et s'enfilent comme dans Tetris. Là j'te présente ma tier list. On rentre dans le dur là donc va falloir surmonter. Je vais vous lister les mangas que je trouve surcotés. Ça veut pas dire qu'ils sont pétés mais méritent pas d'être entêtés. Vous les avez un peu trop hypés. T'as Fire Force, Demon Slayer, One Punch Man, Jojo Bizarre Zero, Ranking of Kim Promise, Neverland, Tokyo Ghoul, SAO. Ils sont KO par rapport aux masterclass que je vais vous citer. Les Hall of Fame qu'il faut être fou pour critiquer. T'as Naruto, Bleach, One Piece, Hajime no Ippo, Death Note, SNK, Kingdom, Full Metal, Berserk, Hunter Hunter, My Hero Academia, Yu Yu Hakusho, Senseiya. J'mets ça en 1, j'mets ça en 2, j'mets ça en 3. T'es pas content, malade, j'le pense donc me dis pas arrête. C'est ce que moi j'fous dans ma mallette. Les noms s'enchaînent et s'enfilent comme dans Tetris. Là j'te présente ma tier list. Et je pouvais pas finir sans vous parler du GOAT, le papa de beaucoup de shonen, celui dont s'inspirent tous les autres. Je parle de DBZ, t'as bien compris, si c'est pas lui c'est qui. Numéro 1 dans nos cœurs et dans nos esprits. Ace, sans vous parler du GOAT. Ace, vous parlez du GOAT. Ace, t'as bien compris, si c'est pas lui c'est qui. Numéro 1 dans nos cœurs et dans nos esprits. Ace. J'mets ça en 1, j'mets ça en 2, j'mets ça en 3. T'es pas content, malade, j'le pense donc me dis pas arrête. C'est ce que moi j'fous dans ma mallette. Les noms s'enchaînent et s'enfilent comme dans Tetris. Là j'te présente ma tier list. J'mets ça en 1, j'mets ça en 2, j'mets ça en 3. T'es pas content, malade, j'le pense donc me dis pas arrête. C'est ce que moi j'fous dans ma mallette. Les noms s'enchaînent et s'enfilent comme dans Tetris. Là j'te présente ma tier list.